pas laisser faire. J'espère que l'école soit bien et que maman s'en sera bien. Je suis une pour que tu m'en Qu'est-ce qui se passe? Là, ça va pas. Tu viens d'avoir un coup de pull du proviseur. T'as encore séché les cours. Qu'est-ce que tu crois, toi, hein? Putain, c'est la rembrouille. C'est plus mignon, les mecs. Breaking. Non, non, ça sera plus comme avant. Y'a ceux qui détaillent et y'a ceux qui vendent. Le tarpé se cache dans la boîte à gants. Et pour trop quoi dire, j'attends pas décembre. La madre me disait de pas descendre. En bas du quartier, y'a des tas de desserts. 4000 à Courneuf devient mes délires. Le prince de la ville, c'est moi qui décide. T'es mécon dans un piège. L'équipe vend la caisse. On barreau dans la caisse. Avec un de budget. J'porte le brassard et je tire les pénaux. Y'a des filles bénéfices et pequeños. En bas du mieux et on fait le boulot. Renoir affamé pour de la moula. Jeune renard veut faire la moula, faire la moula. Jeune nouvelle bonnet toujours là, bonnet toujours là. La chagra ego ça paye pas, non ça paye pas. Jeune renard veut faire la moula, la moula. Jeune renard veut faire la moula. Jeune nouvelle bonnet toujours là. La chagra ego ça paye pas. Je sais plus qui est qui, je sais plus où aller, je sais pas où me situer. Et Stéphane demande à me voir, alors qu'auparavant me répondait qui tu es. Ma conscience me dit tu es, ma conscience me dit tu es. Si tu savais, pour être là j'ai galéré. On a tout pris sans rien voler, ça je te promets. J'ai fait de la moula et ouais j'en ai fait seul. Ou avec Alexou et la repos, au départ. De l'instru pour mon caprice, elle mis au sol. Par les chefs, j'étais irresponsable. Dans ma bulle, je suis seul, dans ma tête, tous les seuls. Midi, tu tiens des sacs, tu crois que t'es le seul. Lancer une carte, c'est me faisait rentrer des sommes. Et ouais, j'ai un renard, je me la moula. Sur le corner j'ai des coursiers. Ça pull up ton quartier. T'es à terre, personne pour te ramasser. Meilleure révélation de l'année. Fais pas nager où tu n'as pas pied. Fais sortir, y'a des gens que je faisais manger. Elle veut moi, mais nos deux cités sont en guerre. Depuis tout petit gros c'est la même. Avec tes salons fais la paix. Des armes de guerre on en possède. J'suis possédé dans le fond du bec. Les miradors en bas de la tête. J'suis plus vendeur mais ton chanteur. Salut petit frère. J'espère que l'école se passe bien et que maman s'en sort à la maison. Je te fais une lettre pour te tenir au courant. Moi à l'hôpital, tout le monde est cool, mais je te cache pas que ça commence à faire longtemps et que la vie normale me manque. Le docteur est venu me voir hier, dans ma chambre, pour me dire qu'il existe un moyen pour soigner ma maladie au cœur. C'est une petite opération, mais ça demande un médecin spécial. Il y en a pour plus de 4000 euros. Si je me fais pas opérer, je risque d'y passer. On n'a clairement pas les moyens. Mais c'est pas grave, t'en fais pas. On va trouver une solution. Travaille bien à l'école et veille sur la famille. À bientôt. Mm-hmm.